Alors que l'hiver tend à nous quitter lentement, laissant derrière elle ses ravages et désagréments, le printemps peine à prendre sa place. Mais qu'à cela ne tienne, parce que Réanimation ne se soucie pas des saisons. Réanimation est toujours sombre, sombre et remplacera l'hiver. Il poursuivra les ravages, mais de tout autre acabit, celui des décibels métalliques. Mais j'y pense, je devrais peut-être faire porter des bouchons auditifs à Sinistrose, parce que plus ravagé qu'il l'est actuellement, laisse croire que l'étape suivante serait la liquéfaction. Finalement, l'idée de le voir se transformer en nectar n'est pas si mauvaise que ça. Lorsque vous croyez être au pire, buvez le nectar Sinistrose, la seule boisson qui vous fait regretter qui vous étiez avant. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque le dit médecin vous administra son assistant. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Let's go. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, première d'avril, 2 avril de l'an de Discovers 2019. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement avec ce revenant qui est Sinistros. Bien le bonsoir. Bonsoir. Tu sais une chose? Non. Tu veux le savoir? Non. Je vais te le dire quand même. Et je vais le dire aux auditeurs. La semaine dernière, j'ai fait croire tout au long que tu étais là. J'ai eu oui dire de cette, cet événement. Oui, que tu étais là et que tu étais à fun. Et je faisais des mimiques. Tu mimais des interventions et que je traduisais le tout pour... J'ai fait de la radio pour sourds et muets la semaine dernière. Exactement. Mais j'avais dit en fin d'émission que c'était faux, que ce n'était pas là, que c'était un canular. T'aurais pas dû le dire, t'aurais dû le laisser planer le doute. Mais non, tu vas comprendre. J'ai simplement avoué à la dernière intervention qui était vers 20h40-50 peut-être que Sinistros, ben non, il était pas là, il était effectivement, tu avais un mal de gorge épouvantable qui t'empêchait de pouvoir communiquer à la radio. Ceci dit, j'ai fait croire aux auditeurs cela la semaine dernière, mais cette semaine, je vais faire croire aux auditeurs que tu as du jugement et du goût. Et ça, c'est peine perdue. Mais tu sais que tout le long de la semaine dernière, j'ai eu une fabuleuse voix radiophonique de Radio FM. C'est la raison pourquoi je suis pas venu. On est pas... Je voulais pas faire comme des radios commerciales. Non, d'accord. Mais c'est un bon choix. Je voulais pas être capable de dire Metallica. Non, mais faut Metallica. On vient d'entendre en premier bloc d'ouverture d'émission. Sinistros, est-ce que c'est du black metal, ça? Ben, peut-être Old Man Child serait classé comme étant black metal, effectivement. Mais Cradle of Filth, on s'enligne peut-être plus vers le gothic metal, peut-être à la saveur extrême. Bon, ben il y avait quand même du black là-dedans. Il y avait quand même du black dans les deux quand même. Et c'était mes choix. C'était tes choix? Ben oui. Bon, écoutez, on sait que le black metal n'a pas la cote chez moi d'une façon ou d'une autre, mais semble-t-il que pour certains auditeurs, ça peut avoir sa place, donc I don't care. Mais je vais, à l'occasion, permettre à Sinistros et moi quelques écartades de vous en diffuser. Fait que je vais pouvoir en passer, puis le docteur n'a rien à dire. Non, j'ai toujours quelque chose à dire, évidemment. Tu pourras peut-être en passer pareil. Mais n'oublie pas que c'est comme moi qui opère la console. Cradle of Filth de Suffolk en Angleterre avec Libertina Grimm qu'on retrouve sur leur 7e album, Tonography. Et effectivement, Tonography est noté une tendance beaucoup plus gothique. Oui, oui, oui. Ben, Cradle of Filth commençait à virer plus gothique. Ouais, il y avait encore une saveur black qui venait avec ça, là, mais maintenant, ils sont carrément gothique extrême. Là. Ben oui, même que d'album ben, en moi, album... Gothique plate, là, mais bon. Ouais, c'est pas comme The Vision Bleak, mettons. Vraiment pas du tout. Tonography est paru le 17 octobre 2006 sur Roadrunner et en ouverture de bloc de Oslo en Norvège, Old Man's Child. Ben, c'est pas un groupe, hein? C'est Galder. C'est Galder, c'est un one-man band avec Saviors of Doom. Et cette pièce-là, je dois dire, je la trouve vraiment excellente. Mais l'album au complet, il est très bon. Il y a beaucoup de détracteurs qui ont chiolé quand c'est ce que j'allais dire. Il avait sorti cet album-là, mais tu sais, moi, je l'ai trouvé super bon. Oui, il est très bon. Saves of the World, qui était le 7e également, paru le 19 mai 2009 sur Century Media. Avant de poursuivre avec le premier bloc de Sinistros... Et bien, il faut être douteux. Si on en discutera après. Non, mais Sinistros, je te laisse le bénéfice du doute jusqu'après. Écoute, ce soir, c'est le segment métallographie. Et ça en sera tout un. Oui. Anthrax. Un gros, gros, gros. On a pris une décision, Sinistros et moi, qui s'avère peut-être pas être la meilleure, mais vous savez, quand il est question de faire de production ou quoi que ce soit, ben, il y a des fois des ajustements qu'il y a à faire. Donc, il va y avoir près de 52 minutes d'Anthrax ce soir, parce qu'on a un extrait de chacun des albums. Oui, ben c'est ça. Fait donc, c'est la dernière édition de la métallographie telle qu'on la connaît présentement. Aussi laborieuse. On va se réajuster pour les prochaines, oui. Parce qu'on s'est aperçu que... On s'amputait beaucoup de choses. Ben, c'est pas rien que ça. C'est que là, on va mettre un 52 minutes d'Anthrax. Ceux qui ne trippent pas sur Anthrax, ben, ils vont aller se faire voir ailleurs. Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas ça pour vrai. Très possible. Ah ben ça, c'est pas notre problème. Ben, je sais. Ben, ça pourrait le devenir éventuellement. Ça pourrait peut-être le devenir. Ben, mais ce qui pourrait devenir un problème, Sinistros, si t'as raison, c'est de perdre notre auditeur. Notre auditeur, effectivement. Tu sais, puis tant qu'à perdre notre auditeur pour en gagner deux nouveaux qui vont triper plus commercial, j'aime autant pas perdre notre auditeur. On est d'accord. Bon, tu nous proposes quoi? Eh bien, j'ai choisi de reculer très loin, en arrière, à la mi des années 80. Alors... que le heavy metal était roi et maître. Et quand je parle de heavy metal, c'est du heavy metal pur et dur. Avec, ouais, ça pourrait pas avec les ça, vocaux hein. qui font des « yaaah » comme ah, ça, ouais, là. Ouais. Pis, comme je les aime, là. Oui, comme ben, j'ai fait exprès pour faire un super bloc juste pour toi. Ouais, c'est ennuyé, hein? Oui. Oui, effectivement. Peut-être pas moins. J'y étais avec trois albums qui ont été quand même des figures dominantes dans le style heavy metal dans les années 80. Ben ça, c'est incontestable. Ouais. On va y aller avec Wasp. Wasp mm-hmm. est le premier album. Premier album qui avait connu... ça a fait vraiment un genre d'explosion. Oui, ben, c'est arrivé avec un look assez spécial. Puis c'est le genre de band et d'album qui a été un petit peu popcorn. Oui, c'est ça. Tu le consommes quand c'est frais parce qu'après, ça peut perdre la saveur. Mais je suis d'accord avec toi, ton choix de Wasp, je le trouve très bon. Oui, School Days, effectivement, ça va être une très bonne pièce de cet album. Ben, moi, album que j'aime toujours, que j'écoute pas régulièrement. Moi aussi, je respecte fort ça. Je respecte ça. J'avais moins aimé s'il avait fait par la suite, mais Wasp est encore là aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, il y a encore beaucoup de fans qui les suivent. Ça va être suivi d'un band japonais qui était à son sixième album. Akira. Quand on a connu ça ici au Québec. Loudness, avec l'album Thunder in the East. On va entendre Like Hell. Pourquoi j'ai pas choisi Crazy Nights? Parce que ça va être une autre histoire dans une évolution métallique quelconque. D'accord. Et je cherchais quoi mettre pour faire... Le dernier et non, pour faire non le moins. Ça. J'ai tiré ça des boulamites, mon cher ami. Oui. Tokyo Blade. Tokyo Blade. Avec Night of the Blade. Pièce titre de l'album qui était majestueux à l'époque. Et le gros runner de Roadrunner à l'époque. Ouais. Tokyo Blade a tombé dans l'oubli pas mal après, mais c'est pas grave, ça va juste être cool. Donc, ouais. Pour ceux qui trippent... N'oubliez pas une chose, l'émission s'appelle Réanimation. C'est en plein ça. Alors, on réanime le vieux heavy metal. Pour ceux qui ont vécu cette super époque, ben, c'est pour vous autres. Puis les jeunes qui ont pas connu ça, ben, mettez ça dans votre pipe. Let's go. Rions un peu. Wasp. Let's go. Alarm clocks wailing, clasping, screaming, I can't. C'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Le groupe des médias étudiants de l'UQTR vous invite à son Assemblée générale annuelle. C'est le moment idéal pour mieux connaître les activités, les objectifs et le bilan de l'organisme. De plus, il sera possible d'y trouver l'occasion de s'impliquer et de garnir son CV, car il y aura l'élection d'un nouveau conseil d'administration. L'événement aura lieu le mercredi 3 avril prochain de 15h à 17h à la Chasse-Galerie. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Voici la vie d'un spécialiste. Non, mais je pense qu'il rit de toi un petit peu. Oh, ouais, c'est parce que tu n'as pas connu l'époque. L'époque grandiose des années 80. Attends, là. Horace, c'est un vénérable, là. Un vénérable. Ben, oui. Lui et Cornelius, c'était chum, là. Oh. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore né, dans le fond. Il n'est pas encore né. Voilà. C'est ça. T'as compris. Qu'était-ce? Qu'était-ce? On a eu un beau petit bloc heavy metal, 100%. 1984 et 85. Ben, moins pire que j'aurais pensé, finalement. Pas pire, hein? Ben, pas pire. Quand même pas c'est si pire que ça, là. Là. Alors, ça peut rappeler des mauvais ou des très bons souvenirs à certains d'entre vous, ou ça peut causer des cauchemars à certains d'entre vous aussi. Qui ou de violentes diarrhées. Qui se demandent, hein, ouais, le heavy metal, c'est-tu de même pour le vrai, là? Mais ça, il n'y avait pas de dettes dans ce temps-là. Ben, il y en avait peut-être des dettes, les musiciens. Ben, oui, effectivement. Ben, peut-être pas l'Oddness, mais les autres, peut-être que oui. Ah, on a eu Tokyo Blade de Whitechair en Angleterre. On a entendu la pièce Night of the Blade, qui était la pièce titre de l'album qui est paru en 1984 sur Roadrunner Records. Ouais. C'était précédé des Japonais de Loudness. Comment il s'appelait déjà? Akira Takahashi. Akarika Takazaki, Muri Takaiguchi, Minoru Niihara, puis l'autre, je m'en souviens pas. Ben, c'est déjà pas mal. C'est pas pire. Tu m'impressionnes. C'est pas pire. Oui. Ça, c'est ta tournée fort mentale de la soirée. Hein? Voilà. C'est oui. Alors, Loudness avec la pièce Like Hell, c'était sorti sur l'excellent Thunder in the East, album qui a fracassé des records, surtout ici. Oui, hein, mais il me semble bien. Oui. Ben, tu sais, au Japon, c'est un groupe très, très populaire, ça. C'est et pourtant, nul n'est prophète dans son pays. Et effectivement. C'est paru en 1985 sur Columbia Records. Et on a eu Wasp, We Are Sexual Perverts, ou White Anglo-Saxon Protestant, ou Les Abeilles, ou peu importe, là, les guêpes. Avec la pièce School Days, c'est paru sur le premier album éponyme qui est paru le 17 août 1984 sur Capitol Records. Ouais, ça, je trouve ça bien. Avec Blackie Lawless et ses lames de Siradia. Lui, il s'habillait chez Rona pour le vrai. Noireau sans loi. Oui, Noireau sans loi. Mais tu sais que j'ai encore mon 12 pouces de I Fuck Like a Beast avec la version avec la Blade, là. Tu vois? Oh, oui, j'ai encore ça. Oh, oui. Qui avait été censuré, bien entendu, par la suite parce que. Ouais. Je trouve ça un peu niaiseux, mais bon. Ben, c'est quoi? C'était l'époque. Regarde, on subit encore beaucoup de... Là, on est passé une vingtaine d'années sans réelle censure, où tout passait. Mm-hmm. Là, depuis 2-3 ans, là la censure... C'est extrême. Extrême, là. Ça s'est rendu complètement débile, surtout avec les frasques de Québec suicidaire. c'est comme, écoute, là... sans commentaire. Ben, au contraire, il pourrait y en avoir plusieurs commentaires. Oui, ben, regarde, écoute... Ah, la politique, mon cher Sinistro, c'est comme un jeu d'échecs. Ouais. C'est doucement de pas savoir jouer pour rentrer dedans. un côté cinéma, tiens, on va faire ça tout de suite avant de rentrer dans notre longue et peut-être pour certains langoureuse métallographie. Ce qui sera en salle à partir de ce vendredi 5 avril, c'est le remake de Pet Sematary. T'avais vu l'original? Oui. Alors, pourquoi faire un remake? Ah ben voilà toute la question. Mais pourquoi se forcer? Parce que, c'est ça. Mais pourquoi se forcer à refaire un scénario qui est déjà fait? T'sais. Ben, peut-être qu'on pourrait être surpris. Ça c'est un peu comme j'ai vu là, qu'ils vont sortir un nouveau Chucky là, qui s'appelle Child. Oui. C'est ouais. Mark Hamill qui va faire la voix de Chucky. Oui, mais déjà, le premier était pas bon. Ouais, c'est on est rendu à 30 plus tard. Puis, bon, ouais, mais vieillit pas, Chucky. Je comprends pas ça, moi. C'est parce que c'est une catin. Quoi qu'il était défiguré à maintes reprises, ouais. Brûlé, mis en morceaux. Décapité. Bon, oui, j'en pense des meilleurs. Voici ce que j'ai réécouté depuis la semaine dernière. La première saison de la série canadienne, voire peut-être même québécoise, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de noms québécois dedans. Bad Blood, qui est une série à caractère criminel, biopic aussi, avec Anthony LaPaglia. Tu connais Anthony LaPaglia? Oui. Oui, qui joue le rôle de Vito Rizzuto. Oui. Oh. Ainsi que Kim Coates. Kim Coates, ben, c'est le Tig dans Sons of Anarchy. Et qui raconte l'histoire de... Ben, un segment de l'histoire de Vito Rizzuto, chef mafieux populaire. Populaire. Populaire. Ben, peut-être, oui, Vito, peut-être populaire. Vito, en, Vito. Oui, ben, c'est drôle parce que alors on voit des séquences de son enterrement et des footages, puis les gens sont vraiment, vraiment accablés par sa mort. Un peu comme dans Highwayman que j'ai vu en fin de semaine. Absolument. Où la foule est... Ben, j'en parle après de ça. Donc, pas le populaire, mais le célèbre parrain de la mafia montréalaise qui cherchait à ramener la paix dans le monde criminel montréalais avec les motards, les Haïtiens ainsi que les Irlandais. Il réussit, mais après avoir été impliqué et arrêté pour de multiples meurtres comme en 81, son empire s'effondre. À sa sortie en 2012, il se lance dans le chemin de la vengeance. Ben, c'est bon. C'est pas le genre de série. Écoute, là, on s'entend que c'est pas Game of Thrones, là, au niveau de la qualité de production. C'est une bonne série. C'est une série qui, en tant que Québécois, ben, vient nous toucher un peu de quelque part parce que c'est très près de nous autres. On a tous vu ces événements-là aux actualités, ainsi de suite. Et c'est bien, très bien interprété. Et je dois dire qu'Anthony LaPaglia est vraiment génial dans le rôle de Vito Rizzuto. C'est 6 épisodes d'environ 45-46 minutes. Ça coûte très, très bien. J'ai pas vu encore la deuxième saison, mais ça, là, Bad Blood, c'est à écouter. Autre truc que tu sembles avoir aimé aussi, qui est un autre film à connotation criminelle, mais aussi historique. On parle des Highwaymen qui mettent en vedette Kevin Costner, Woody Harrelson et Kathy Bates. C'est un film de John Lee Hancock, qui n'est pas un nouveau dans le cinéma, et qui raconte l'histoire dans les années 30. Les Texas Rangers Frank Hammer et Manny Gault sortent de leur retraite pour traquer les célèbres criminels, les braqueurs Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oh, c'est très bon. C'est vraiment bien parce que... Hein, tour de force, selon moi. Ben, on voit l'autre côté de la médaille. Voilà. Moi, ce qui m'a fait... halluciné, c'est de voir la sympathie du public envers Bonnie and Clyde. Ah, oui. Même à la fin, quand c'est l'enterrement, là, 15 000 personnes qui sont allées à l'enterrement de Clyde Barrow. Puis 20 000 personnes qui étaient allées à celle de Bonnie. C'est oui. Comme, wow. Bonnie Parker a même engendré une mode vestimentaire. Oui, oui, oui, effectivement. Tout à fait. Moi, ce que j'ai bien aimé du film, c'est que malgré le fait qu'on ne voit à peu près jamais, mis à part à la fin, Bonnie and Clyde... On les voit jamais de face. Jamais. Ouais. Mais on sent toujours leur présence et la pression qu'ils mettent sur les Texas Rangers qui, tentative après tentative, se heurtent à ce clan de criminels qui... En plus d'être très audacieux et parfois insouciant... Très baveux. Ils sont très arrogants. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et ce que je dis un peu dans ma chronique, c'est que souvent on dit, puis je me demande pourquoi, on dit que les films qui sont soit produits ou est produits et joués avec Kevin Costner sont souvent voués à l'échec. Alors que c'est un bon acteur, ben Kevin oui, Costner. Ben oui, la majorité des films qu'il a fait, c'est tout le temps comme bon. Bon, qui peut se darder d'avoir une filmographie parfaite? Je pense que pas grand non, monde. C'est sûr qu'il y a eu des choses moins bonnes, mais Kevin Costner, il faisait très bonne équipe avec Woody Harrelson. Oui, les deux se complétaient très bien. Oui. Donc, The Highwaymen, je pense que c'est un film qui devrait intéresser si vous êtes amateur de films de gangsters, mais qui plus est historique. OK, maintenant, cette... lente. Non, peut-être pas lente, mais longue. Lente, ça va être rapide. Ça va être rapide et longue. Rapide et longue. Oui, c'est un peu un pléonasme, n'est-ce pas? Non, je dirais que c'est peut-être même plus que ça. C'est du paradoxe, voilà. Métallographie de Anthrax, cette formation qui a vu le jour en 1981 à Yonkers à New York. Formation initialement de speed trash metal qui, au fil des années, s'est convertie dans le groove metal, effectivement. Dont les thématiques sont l'humour, les issues sociales. C'est ça. L'antifascisme, les trucs qui ont rapport avec. Ils ont pas mal un peu l'idéologie un peu punk, là. Tu sais, un peu l'idéologie des hardcore. Je te dirais même à quelque part, ça fait peut-être même un peu working class par bout. Oui, effectivement. Formation qui a vu certaines métamorphoses, évidemment, dans son alignement, parce que aujourd'hui, on ne retrouve de la formation originale que Scott Ian à la guitare et Charlie Benante au drum. Alors qu'il y a eu retour en 2010 de Joey Belladonna, qui était le deuxième chanteur, le successeur de Neil Turbin. Au niveau des guitaristes, en fait, il s'en est succédé quelques-uns. Il y a eu Dan Spitz. Qui... Après Dan Spitz, il y a eu Rob Gagliano. Gagliano. Puis là, ils ont pris le guitariste de Shadows Fall. Aftershock aussi. Et Gagliano était revenu à un certain moment donné. Ça se peut. Là, maintenant, c'est Jonathan Dallins qui est là. Et le bassiste, c'est Frank Bello qui est là depuis 1984. Depuis le deuxième album. Ben voilà, fait quand même. Lui, on peut dire que c'est pas mal parmi les... Et c'est Danny Lighter qui était le premier bassiste. Qui a fait le premier album en même temps que Neil Turbin. Ouais. Et Lilker, lui, s'est tourné vers autre chose, un petit peu plus... extrême. Ouais, voilà. Donc, 13 albums... pour Anthrax, et on vous passe d'ici la presque prochaine heure un extrait de chacun de ces albums-là. La première partie, c'est à Sinistros. Bien, on va commencer avec le commencement. Hein. C'est une bonne chose. Le premier album, Fistful of Metal, qui est paru en 84 et non en 94, comme il est écrit sur la feuille. Oui, c'est 84. 1984. T'as fait une erreur de frappe. Oui, c'est ça. c'est un des premiers groupes à être signé sur Megaforce, label de John and Marsha Zazula. Mm-hmm. Ce qui, à l'époque, était là comme le... Ben, John Zazula, à l'époque, c'était le producteur. C'était le producteur, effectivement. Anthrax, le premier album, qui sonnait comme une tonne de briques. Il y avait des tonnes enflammées. Énormément shaky quand j'entends ça. Effectivement. Contrairement au deuxième album, où ce qu'on est tombé plus dans les mids, il manquait énormément de basses sur cet album-là. J'ai jamais compris une production vraiment bizarre. Oui, effectivement. C'est revenu avec le troisième album, mais je vais les nommer. C'était le deuxième album, c'était Spreading the Disease. Avec Among the Living, on y allait avec un côté beaucoup plus hardcore, beaucoup plus, tu sentais l'influence de SOD. Le côté SOD était vraiment là, puis tu sais, on parlait de moche, pas de champignons, bien évidemment, mais de moche pit. Mm-hmm. Était pas mal plus ouvert socialement, ça avait des chialets contre le gouvernement. Ben, c'est cet album-là qui a vu faire venir le jour de leur association, mais très, très temporaire avec Public Enemy. Oui, c'est en plein ça. Fait qu'on a eu State of Euphoria après, qui a suivi comme un peu le même mood. Avec Persistence of Time, ça s'agissait un petit peu. On était moins sûr d'où on voulait aller, c'est peut-être. Ça. Là, on était plus trop sûr, là. Fait qu'on s'en allait dans diverses avenues musicales. Mm-hmm. Les tunes étaient plus lourdes, moins rapides. Oui. Avec Sound of White Noise, ben là, on a un nouveau chanteur qui arrive là, qui est John Bush. Excellent chanteur. C'est un très, très bon chanteur qui change carrément la donne de Anthrax. Et la dynamique du groupe. La dynamique du groupe et le son total du groupe. Alors, allons-y avec les 6 premières pièces. On va commencer avec Metal Thrashing Mad. C'est paru en 1984 sur Megaforce Records. Let's go. We'll be right back. Amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sourcils pour 89 du côté gauche, la mort de Ben Morrissey. Nouveauté chez Slamdisk, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Fou de palmarès. 89.1. Faut pas demander à Sinistros de quel genre est un groupe, parce que je vais vous faire répondre n'importe quoi. Boy. Ouais, okay. C'est ça. Oui, bon. Oui, c'est ça. On vient d'entendre la très longue première partie de Anthrax, Métallographie. Oui, oui, cette demoiselle du nom de Anthrax. Ouais, Anthrax, oui. Ah, c'est très bon, ça. on a entendu la pièce. Only, qui est parue sur l'album Sound of White Noise, et c'est paru le 25 mai 1993 sur Elektra Records. C'était le premier album avec John Bush au vocal. Tout juste avant, Keep It in the Family sur l'album Persistence of Time, qui est apparu le 21 août 1990 sur Island Records. Make Me Laugh. Paru sur State of Euphoria le 20 septembre 1988, également sur Island Records. On a eu A Skeleton in the Closet qui est paru sur Among the Living le 22 mars 1987. On a eu AIR, The Spreading the Disease, 30 juin 1985. C'était sur Music for Nations. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. C'est-tu Adolescent in Rebellion? Je pense que oui, ça, Metal Thrashing Math, qui était paru sur le premier album Fistful of Metal avec Neil Turbin à la voix et Danny Lilker à la basse. Ouais. C'est paru en 1984 sur Megaforce Records. Yes, et t'as raison, c'est Make Me Laugh. Oui, il faut dire love. Cette deuxième partie de la métallographie va se poursuivre à l'instant, sous peu, qui est ma moitié, si on veut. On va entendre de leur septième album, Stomp 442. Si on voulait faire un jeu de mots comme Founder 42. Je sais pas trop. la pièce King Size, on va poursuivre avec Catharsis, qui est tiré de Volume 8, The Treat Is Real. Suivi de Black Dahlia, qui est tiré de We've Coming For You All, qui était un des bons albums de si on veut, une espèce de renouveau. Fait une couple d'albums. Oui, il y en a fait quand même, je dirais. 4-5. Oui, je penserais. On va continuer avec Death Rider, mais la version revisitée, si on veut, là, un bel anglicisme du 10e album de Greater of Two Evils, qui reprenait des pièces de Turbin et de Belladonna, bien sûr. Suivi de Earth on Hell, The Worship Music, 11e album, ainsi que la conclusion du 12e album, For All Kings, soit la pièce Zero Tolerance. On poursuit cette deuxième partie de Métallographie d'Anthrax tout de suite après cette pause publicitaire. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais jusqu'à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slamdisk, fier commanditeur de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h.

once what I am. And I remember everything we said we'd find a way. Love and cry, love and hate, ain't no weakness, this arm won't break. I put it out there, it comes back. I put it out there, it comes back. I put it out there. We'll be right back. insane. Its focus is cruel, its heartbreaking pain. As if I needed more reason to hate, a savage decision is not hard to make. Family and friends dare to threaten what's mine. Kill motherfuckers for crossing the line. While my life and I choose murder and mayhem, cause I'm worse than you. En avez-vous eu assez du Anthrax? Profitez-en, on n'en passera plus jamais. Bon, on pourrait s'abstenir pendant un bout. Là, on a passé du Anthrax pour les 10 prochaines années. Peut-être même les 13. Peut-être 13. On vient d'entendre d'extrait de leur 12e album, For All Kings, qui est paru le 26 février 2016. Zero Tolerance, étiquette Megaforce. Évidemment, c'est avec Joey Belladonna. Juste avant, Earth on L, qui est tiré de Worship Music, qui est paru le 11e album paru le 13 septembre 2011 sur Megaforce également. Précédé de Death Rider, la revision, comment on pourrait dire ça? Voilà. pourriture qu'ils ont fait. Ah, tu l'as pas aimé, toi? Non. Ah, OK. Ben, moi, je trouve bon, cet album-là. Je trouve qu'il y a des bonnes reprises. Ben, c'est justement, c'est Anthrax qui reprend Anthrax. Ah, c'est ça. Anthrax, pièces, c'était un band de cover. C'était rendu un band de cover, oui, c'est ça. Ils jouaient d'un petit bar dans le coin, là. c'est un album de reprise des pièces des deux premiers chanteurs, soit le Belladonna et Tilburn. Entendu Death Rider, tiré de cet album The Greater of Two Evils, qui est paru le 23 novembre 2004 sur Nuclear Blast. Nous avions Black Dahlia, qui est tiré de We're Coming For You All. Le 9e album paru le 6 mai 2003 sur Century Media. Catharsis, qui est tiré de Volume 8, The Treat Is Real. 8e album paru le 21 juillet 98 sur Ignition Records. Et nous avons ouvert avec King Size, tiré de Stomp 442, qui est le 7e album, paru le 24 octobre 95. C'est là qu'on voit que la carrière d'Anthrax a quand même baissé un petit peu. T'sais. On passe de Electro à Ignition Records, oui, à Century Media, à Nuclear Blast. Donc, t'as même pas deux albums. Non. Puis je dis pas que Century Media et Nuclear Blast, c'est pas des bons labels. Mais c'est des très, très gros labels. Il n'y a pas de renouvelage de contrat. C'est pas de renouvelage de contrat. C'est pis, Island qu'ils ont eu plus souvent, les plus longtemps. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Puis on fait un retour avec Megaforce, qui est le label qu'ils ont vu initialement. Tout à fait. Bon, je suppose que peut-être que c'est une question de flexibilité aussi. Je sais pas, je peux pas te dire. Quoi qu'il en soit, Anthrax, je les ai vus deux fois, je pense, puis ils donnent un bon show, là. Ça, ils donnent un bon show, puis ils sont assez généreux, je dois dire, mais il reste que, malgré le fait qu'ils sont sous l'étiquette du Big Four, ça a toujours été un peu l'underdog des quatre. Oui, effectivement. Tu sais? Anyway. Ben là, si vous n'en avez pas eu assez d'Anthrax, ben il va y avoir le podcast qui va être en ligne jeudi. Ouais, vous pourrez écouter l'écouter. Écoutez-la à l'envers, ça va peut-être différent. Ça. Ben oui. N'oubliez pas ce vendredi, pour les vrais amateurs de vrai rock, ici même assez fou dès 11h, rock classique avec notre ami Rockmaster Alain Lefebvre. Émission dite régulière, avec les segments habituels, les éphémérides, les albums groupes obscurs, albums classiques, et sa panoplie de programmation pendant 6h de temps. Juste John Drax, encore une fois. C'est la thématique de Sifu cette semaine. 11h à 17h. Aussi, si vous êtes amateur de métal et que vous voulez explorer autre chose que réanimation, ce qui pourrait arriver à la rigueur... Ça serait peut-être une bonne chose, finalement. Si vous voulez pas entendre Dan Drax, ben il y a Subversion avec notre ami DJ Tower of Death. Ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Et les émissions sont en rediffusion ici à C'est Fou.ca les vendredis, tout de suite après réanimation les vendredis. Et le blog de notre ami Sinistros, hurlement.com. Ami est un faible mot. Ben, qu'est-ce que je dis de plus qu'ami? Bon ami. Oh! Non, mais je suis pas menteur quand même. Oh, le beau du menteur. Sinistro, c'est ses fabulations. Là, fabulations. Sur ce qu'il écoute. Là. Il fabule pas mal moins ces temps-ci, Sinistro. Sinistro, il fouet. Il en fait pas mal moins. Dernier album que t'as crunky, je pense, c'était en 82. Oui, c'est 82, ça. Mais c'est justement l'album d'Antra. Oui, c'est ça. Il était même pas sorti encore. Il était pas sorti, puis tu commentais déjà les débats. Oui. On va clore l'émission avec une pièce de Sinistros, qui est une formation du Portugal, n'est-ce pas? C'est pas une pièce de Sinistros, c'est une pièce de Sirius. Ah, désolé, proposée par Sinistros. C'est cela. Oui. Sirius, formation black metal symphonique à tendance technique, death, trash, ou peu importe. Power gothique. C'est ça, power gothique. Speed. Rose bonbon, Britney Spears et compagnie. Hey, avant que tu ailles plus loin, je vais aller oublier, la semaine prochaine, nous serons là. C'est l'évolution métallique selon Sinistros. Bien oui, effectivement. Ben, tout à fait. Et on va tomber dans la 1981, c'est la dernière partie? Dernière partie de 1981. Après ça, on va tomber à 1982. Ben, c'est assez logique. Je vous propose trois extraits de cet album que j'ai trouvé absolument merveilleux, de Undead Prophecies. Sceptral Void. Bon, ben, On termine avec Sirius, la pièce de Collapsing Spheres of Time. C'est paru sur Aeons of Magic en 2000 sur Nocturnal Art Production. Hey, tu parles d'une histoire, toi. Ouais, effectivement. Eh bien, sur ce, allez tous vous faire foutre. C'est...